Et s'ils te traitent de menteur, dis alors « À moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous êtes irresponsable de ce que je fais et je suis irresponsable de ce que vous faites. »